Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans cette 63e Vampire Fix, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Salut, salut, c'est Spike et vous êtes bien dans la Vampire Fix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Je voulais vous remercier déjà pour les super retours que j'ai eu pour l'émission de la semaine dernière et les autres d'avant. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Longue vie à cette petite émission que vous aimez bien et que moi j'aime beaucoup et même je me régale à préparer et présenter. Merci pour votre soutien, les radios, etc. Bon. On commencera cette émission avec Vindication de Queensrÿche. C'est sur l'album Queensrÿche, leur quatrième album, qui est sorti en 83 mais réédité le 24 juin 2013. On retrouve Where Dreams Go To Die, In This Light et Midnight Lullaby, un excellent album. On poursuivra avec Anything For Money de Inhalitor. C'est sur l'album Refresh The Demon, leur cinquième album, sorti le 11 mars 1996. On retrouve Awaken, The Pastor Of Disaster et Innocent Eye notamment. On continuera avec une nouveauté, Bouncing Ball, le nouveau Supersonic. C'est sur le LP Supersonic 2015. On retrouve Eya, The Call, One Way Ticket. Ils préparent un nouvel album et sont en tournée dans toute la France. Allez faire un tour sur la page Facebook de Supersonic. Ils ont un bandcamp, il y a toutes les infos qu'il faut. Et on finira ce bloc en live, avec Hypocrite de Alpha Blondy. C'est sur l'album Itzhak Rabin, son 11e album sorti en 1998. On retrouve Assini Mafia, Itzhak Rabin et Saraka, entre autres. Un excellent album. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 63e Vampire Fix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On vient de se faire Vindication de Queensrÿche, Anything for Money de Annihilator, le nouveau Supersonic Bouncing Ball et on a fini en live avec Hypocrite d'Alpha Blondie. On poursuivra cette émission avec Shagalaga, le nouveau Pixies, c'est sur l'album Head Carrier, leur 6e album sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Classic Masher, Tenement Song et All the Sense, un album tip top. Allez, on enchaîne avec une autre nouveauté, Spider, le nouveau D-Host. C'est sur l'album South de Charge, leur 2e album sorti en septembre 2016. On retrouve Black Hills, Stones from the Storm et Don't Give Up, un album à découvrir. Allez faire un tour sur la page Facebook de D-Host, ils ont un bandcamp et tout. Il y a toutes les infos sur la page Facebook. On poursuivra avec I'm So High de Nashville Pussy. C'est sur l'album From Hell to Texas, leur 5e album sorti en 2009. On retrouve Speed Machine, Drunk Driving Man et Pray for the Devils. Promis, je diffuserai d'autres morceaux de ce magnifique album. Allez, une autre nouveauté, Ride the Storm, c'est le nouveau Drakkar. C'est sur l'album Run with the Wolf, sorti en mars 2015. On retrouve Under the Banners of War, Burning et Southern Cross, entre autres. Allez faire un tour sur la page Facebook de Drakkar. Ils ont aussi une page Bandcamp. Il y a toutes les infos dessus. Et on finira ce bloc en live, avec Tamthaus de Toots and the Metal. C'est sur l'album In the Dark, sorti en mars 1973. On retrouve In the Dark, I See You et Sailing On. Il y aura bien sûr d'autres extraits de cette pépite du reggae des 70s. Keep on driving, don't get mixed up in shit. Spiders crawl on me. I never chase them anymore.

to teach you a little song. Hey, it's okay, man. Good man. I'm going to teach you a little song. And I know you will catch it. It's very easy to learn. Repeat every word I say 6 times. Listen. Everybody say higher, higher. Come on. Everybody say higher. Everybody say higher, higher. Everybody say higher, higher. Come on, higher, higher. Everybody, higher, higher. Come on, higher, higher. Let me hear you sing, higher, higher. Let me hear you sing, higher, higher. Let me hear you sing, higher, higher. Uh-huh. Higher, higher. Uh-huh. Ah, c'est excellent, c'est bon vieux Tools and the Metal. Vous êtes toujours dans la 63e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire le nouveau Pixies, Umshagalaga, Spider, le nouveau Diost, I'm So High des Nashville Pussy, Ride the Storm, le nouveau Drakkar, et on a fini en live avec Tom Foe de Tools and the Metal. On poursuivra cette émission avec L'Agressé de Silmarils. C'est sur l'album Silmarils, leur premier album sorti en 1995. On retrouve Courvite, Victime de la Croix, et Je ne suis sûr de rien, et Je ne jure de rien, pardon. On continuera avec une nouveauté d'Ango des Two Sisters. C'est sur leur premier EP Common and Dance, sorti en 2015. On retrouve Common and Dance, Don't Go et Down, My Zombie Girl et Remember. Un excellent EP, hâte qu'ils enregistrent un LP. Allez faire un tour sur la page Facebook de Two Sisters. Il y a une page Bandcamp et tout, il y a tout ce qu'il faut. Allez, un vieux vinyle, un bon vieux vinyle et un bon vieux classique. Toujours pas une thune de Trust, c'est sur l'album L'Élite sorti en 1979. On retrouve Préfabriqué, Boss Eviteur, Police Milice, un grand, grand, grand classique. Tiens, un petit reggae, Fight On de Peter Tosh, c'est sur l'album Mystic Man, son deuxième album sorti en 1979. On retrouve Mystic Man, Can't You See et Crystal Ball, entre autres. Et on finira ce bloc avec une nouveauté, enfin c'est pas tout à fait une nouveauté parce que le son est de 2014, mais Post-Mortem de Slayer en live, c'est sur Repentless Live sorti en 2016. On retrouve Hell Awaits, Captain of Sin et Black Magic, un excellent album, promis, d'autres morceaux de cet excellent album dans de prochaines émissions. Yeah. Michel. Yeah. cancer, on fera de leur dire. To be free. Fight on, brothers, fight on, fight on and free your land. Fight on, sisters, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free. By 1983, come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, sisters, fight on. Fight on and free your fellow man. You have paid your dues, and you've got nothing to lose. That is always my views. You got to fight on. I say fight on, fight brothers on. Fight on, fight on. Fight on and free this land. I say fight on, fight sisters on. Fight on, fight on. Free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on. Beyond your perishment. Vous êtes toujours dans la 63e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. L'agressé de Silmarils, Dango, le nouveau Two Sisters, toujours une pine tune en vinyle de Trust, Fight On de Peter Tosh et Postmortem, le nouveauté en live de Slayer. On poursuivra avec un bloc, on va dire un peu plus rock alternatif français. On commencera avec le Cerf, le Druide et les Loups des Bérus. C'est sur l'album Invisible, sorti en décembre 2006. On retrouve Coup d'État de la Jeunesse, Love in Laos et La Piste Inconnue, entre autres. Un album passé totalement inaperçu à l'époque. On poursuivra avec Ladies, le nouveau Voice of Winter. C'est sur l'album Shieldwood of Evil, leur deuxième album sorti le 26 novembre dernier. On retrouve Liberticide, Chrome et Damoclès. Un superbe album à découvrir. Allez sur la page Facebook de Voice of Winter. Toutes les infos sont dessus. Vous savez, je suis chanteur dans un groupe, enfin auteur-interprète d'un groupe, et je passe pas souvent mes chansons. Mais là, je vais vous passer Une vie d'indigent sans répit, donc de Morchaine 43. C'est un des trois titres que j'ai sorti cet été sur Bandcamp. Si je le passe, c'est qu'incessamment sous peu, on va tourner le clip. Viendez sur la page Facebook de Morchaine 43. Il y a aussi une page Bandcamp avec toutes les infos dessus. Et tous les téléchargements sont gratos. On poursuivra avec « Je suis fier » des Sales Majestés. C'est sur l'album « Bienvenue » sorti le 16 octobre 2000. On retrouve « Bienvenue », »,« La Révolution », »,« La Rage ». Un album qui est devenu classique. Et on finira ce bloc en live avec Johnny Colère de Noir Désir. C'est sur l'album « Tostaki », leur quatrième album sorti en 1992. On retrouve ici Paris, Tostaki, One Trip, One Noise et It's Birth et plein d'autres. Une tuerie et un grand, grand classique de Noir Désir. We'll be right back. rencontrés un soir de février. Le loup, le cerf, le lynx, l'aigle, l'ours et le druide. En cette époque magique, il n'y avait pas de haine. La main et des amis respiraient à merveille. Le cerf, le druide et le loup. Le cerf, le druide et le loup. Nous vivions tous ensemble, aidés par les lutins. Le feu, la neige qui tremblait était notre destin. Les fées de la forêt protégeaient nos enfants. Nourrissaient notre chair sans effusion de sang. Le cerf, le druide. Comme des bêtes pour pousser les collets. Alors nous avons cru qu'ils étaient comme nous, mordus par la nature, habités par les loups. Pour retrouver la poudre, ressusciter le loup. Alors il faudra faire et il faudra faire vite. Pour retrouver la poudre, ressusciter le loup. Alors il faudra faire et il faudra faire vite. Pour retrouver la poudre, ressusciter le loup. Alors il faudra faire et il faudra faire vite. Pour retrouver la poudre, ressusciter le loup. La nuit est plus qu'une amie. Nous vivons toute notre vie à crédit. Une vie d'indigence sans répit. Y a-t-il une lueur au bout de ce tunnel ? Nos libertés sont illusoires, nos gouvernants des illusionnistes. L'anxiété et l'angoisse nous gagnent, pas moyen que les deux feuilles aujourd'hui. Au pays des crédadrales, nous sommes tous des empereurs. Je suis stoïque devant cette accumulation de bêtises. Trop vite dépasse et s'en mêle devant tous ces écrans. Nos vies sont déjà lourdes et difficiles à digérer. Mais nous avons des têtes de mules pour les diriger. Nos libertés sont illusoires, nos gouvernants des illusionnistes. L'anxiété et l'angoisse nous gagnent, pas moyen de coller deux feuilles aujourd'hui. Au pays des crèves natales, nous sommes tous des empereurs. Le passé tranche vif et mouille encore les yeux. J'ai plus de munitions dans ma pipe à rêve. Et c'est là que commence la combustion. Le sommeil ne vient pas et la nuit porte conseil. Nos libertés sont illusoires, nos gouvernants des illusionnistes. L'anxiété et l'angoisse nous gagnent, pas moyen de coller deux feuilles aujourd'hui. Au pays des crédadas, nous sommes tous des empereurs. Nous avons les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Le tic-tac des heures qui s'égrènent, rassurant silence qui déveille les tourments. Courons vite au supermarché. Nos libertés sont illusoires, nos gouvernants des illusionnistes. L'anxiété et l'angoisse nous gagnent, pas moyen de coller deux feuilles aujourd'hui. Au pays des crédadales, nous sommes tous des empereurs. Hein. Nous sommes tous des électrons libres, ne cherchez pas à nous fixer sur des atomes. Trop d'idées dans cette caboche me rappelle ce passé que j'essaye d'oublier. Nos libertés sont illusoires, nos gouvernances des illusionnistes. L'anxiété et l'angoisse nous gagnent, pas moyen de coller deux feuilles aujourd'hui. Au pays des crèves natales, nous sommes tous des empereurs. Hein. Je suis le franciscain qui distille de la musique. C'est une... Vous êtes toujours dans la 63e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire le cerf, le druide et le loup des Bérus. Ladies, le nouveau Voice of Winter, Une vie d'indigence sans répit de Morsen 43, Je suis fier des Sales Majestés et on a fini en live avec Johnny Colère de Noir Désir. On poursuivra avec El Gato de The Snakers, c'est sur l'album The Boss Harmony, sorti le 15 septembre 2007. On retrouve The Funkwick, Ska Bohème et Body Double. Promis, d'autres extraits de ce superbe album dans de prochaines émissions. On continuera avec My Gun, le nouveau Stellar Temple, c'est sur leur nouvel album Domestic Monster, leur premier album sorti en octobre 2016. On retrouve Strangey, Morning Sky, plein d'autres trucs. Allez faire un tour sur la page Facebook de Stellar Temple, viendez liker et surtout partager. On continuera avec Mental Urbain de Lofofora, c'est sur l'album Peu, leur deuxième album sorti en août 96. On retrouve La Chute, Macho Blues et une super reprise de Vive le Feu des Bérus. Un top, top, top d'album. Promis, il y aura d'autres morceaux. Tiens, une nouvelle nouveauté, Mediatox, le nouveau d'Anakil, c'est sur l'album La Rue Raisonne, sorti le 7 octobre 2016. On retrouve 32 mars, Dealer et La Lumière de la Mémoire. C'est pas le meilleur album, mais il est pas mal quand même. Et on finira ce bloc en live avec Scapa de Scapé sur le Live in Woodstock sorti en mai 2016. On retrouve Full Gas, Intifada et Cannabis. Ils sont là depuis 20 ans et ils ont toujours la pêche. Longue vie à Scapé! As we move, do we have any opera fans out there? It's good to see a good opera once in a while. Now hear this. Smell the sur mettre à zéro. Je suis d'aucun parti, d'aucun club, d'aucune secte. Un palier de crabe, une masse d'insectes, un troupeau de moutons, une meute de long. Ce genre de notion est encore un peu flou. Au milieu de la foule qui avance à genoux, ma pensée est ailleurs, je suis le sage, le fou. J'ai comme l'impression de subir la pression, la conviction qui me fout de l'action. La fumée qui brûle afin de péter les plombs. Seulement la chance d'accéder au côté sacré de l'existence. J'ai la pulsion ardente, la passion brûlante. Ne comptez pas sur moi pour la file d'attente, car je tiens le rôle du cinquième élément entre le feu, l'eau, la terre et le vent. Hey, hey, les kilomètres défilent à ma fenêtre, mais je ne saurai jamais peut-être ce qui se passe dans ma tête. poesía, la más dulce melodía. Cambiemos los valores de una sociedad podrida. Pongamos rumbo fijo y a volar, bailando ska. Mi pana, chaval, colega, carnal. Escapa, escápate, la puerta y sitio sube nuestro tren. Escapa, escapa, escapa, desengáñate. Escapa, escápate, la puerta y sitio sube nuestro tren. Escapa, escapa. La música, la que nos hace sentir libres, escapando de las mentiras de un mundo patentado, donde el 1% de la población somete a un 99% restante. ¡Organízate y lucha! On vient de s'écouter El Gato de The Slickers, My Gun, le nouveau Stellar Temple, Metal Urbain de Lofofora, Mediatox, le nouveau Danakil, et Scapa, le nouveau Scapé. Cette 63e Vampire Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. On finira avec Noise de The Insight, c'est sur l'album Hidden Things sorti en 2015. On retrouve Lost in Heaven, Spinning Sun et Wish I Was, un excellent album. Ils ont lancé un crowdfunding pour leur prochain album The Other Side. Participez si vous pouvez. J'ai déjà mis les liens sur la page Facebook de l'émission pour participer au crowdfunding. Allez faire un tour sur la page Facebook de The Insight, ils ont aussi un Bandcamp. Laissez-moi vos messages et dédicaces, ça fait beaucoup à la fois, sur la page Facebook de l'émission Vampire Fix, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Fix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! We'll be right back. mind blown, runs delicate words through this world of plasticity. This noise guiding my pain, turn a match round, my love, you're gone. My mind so dark now, showing the end of this. This void eating my veins. How it goes wrong, your world, it's true. I can watch you like the eternal.